Donc, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 20. Je crois que le livre de l'Apocalypse est un des livres par excellence qui devrait nous motiver. Ces vérités-là qu'on apprend devraient être la source de notre motivation. Dans le film de Martin Luther, il y a un homme qui part vers la fin du film. Martin Luther dit, ne va pas là, il n'y aurait pas de prince pour te protéger, il n'y aurait pas personne pour te protéger. Il dit, il faut que j'aille le dire. Il faut que j'aille le dire à mon monde, à moi. Ce que je viens d'apprendre en lisant la Bible, par rapport à l'amour de Jésus-Christ pour moi, ce que je viens d'apprendre, ce que Jésus m'a dit, moi, je veux le dire à quelqu'un d'autre. Donc, c'est la vérité, et il part, dans le film, on le voit s'abîmer, faire une chute sur le lit à la fin, dans un petit, quelques secondes du film qu'on voit. Donc, c'est pas Martin Luther qui le motive. C'est pas Martin Luther qui avait demandé de faire ça. C'est lui, à cause de ce qu'il avait aimé de Dieu, ce que Dieu lui avait dit à lui, il était tellement emballé par la vérité qu'il voulait aller le dire à quelqu'un d'autre. Et de quoi c'est personnellement, c'est ce que je vise pour ma vie, ce que j'aimerais voir dans vos vies. C'est pas François un programme dans les vies, puis le programme nous motive à faire de quoi. Non, c'est le Saint-Esprit avec la vérité en dedans de nous qui nous pousse à vouloir faire de quoi pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour les frères et sœurs, pour les gens convertis. C'est ça qu'il faut viser. Y a-t-il un qui peut me réciter le Notre Père, la première partie du Notre Père? Y a-t-il un qui s'en souvient par cœur? Arrête là, ça c'est la première partie. Avez-vous déjà remarqué que cette première partie, on prie juste pour Dieu? On prie pas pour nous autres? Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. C'est toujours, on prie pour Dieu. C'est intéressant, on ne prie pas Dieu pour nous. On prie pour Dieu. Et à la fin, on fait juste prier, pardonne-nous, nous autres. Pardonne-nous. Nous, nos pécheurs cotisés, puis pardonne-nous. Mais on est plus intéressé à Dieu qu'à nous. Avez-vous déjà remarqué ça? Il y a plus de requêtes dans Notre Père. Parce que je dis, je vais vous enseigner à prier. Priez pour la gloire de Dieu. Priez un petit peu pour vous. Nous, on a tendance à inverser. Un petit peu pour la gloire de Dieu, puis beaucoup pour nous. Mais il nous aime quand même. Mais cette petite partie de Notre Père, est-elle accomplie? Vous l'avez peut-être dit des milliers de fois en tant que catholique. Vous l'avez peut-être, il y a des églises chrétiennes, évangéliques, qui récitent à Notre Père tous les dimanches, en assemblée. Hein? Oui, oui. Mais je ne crois pas que le Notre Père, c'est une prière, mais un enseignement sur la prière. Il n'a pas dit, montre-nous une prière. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Donc, il a donné un, ouais, comment prier. Donc, lui a enseigné les gens à comment prier. Il n'a pas dit maintenant à répéter, parce que juste les versets avant, il dit ne répétez pas les mêmes prières. Donc, il ne nous a pas donné une prière à répéter. Il nous a juste dit de ne pas le faire. Mais il a dit, voici quand vous allez prier, qu'est-ce que vous devez prier? Pourquoi vous devez prier? Mais même si on l'a dit, et même si on l'a prié, est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est accompli ce qu'on a demandé? Que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Est-ce que c'est arrivé, ça? Est-ce que c'est accompli? En tout cas, pas complètement, hein? Pas 100%. Qu'est-ce qui doit arriver pour que ça se passe? C'est ce que nous allons regarder dans Matthieu, dans l'Apocalypse 10 ce matin. C'est ce que nous allons regarder. Finalement, le règne de Dieu va venir sur la terre. Hein? Et sa volonté va se faire sur la terre, comme au ciel. Et c'est pas nous. Vous allez voir différents mouvements, différentes personnalités dans la société qui vont enseigner, proclamer des mouvements ou promouvoir des mouvements pour la paix dans le monde. Des prix Nobel de la paix. Donc, on donne ça à qui, ces gens-là? Ces récompenses-là ou ces Oscars-là, ou je ne sais pas comment qu'on appelle, le prix Nobel. À qui qu'on donne ça? Mère Teresa l'a reçu. Faire avancer le bien-être des gens sur la terre. Ça peut être en médecine, ça peut être en n'importe quoi, mais tu amènes quelque chose de bon pour l'humanité, pour améliorer le sort de l'être humain. Le bien est plus Nobel de donner, mais est-ce que ça vaut mieux sur la terre vraiment? C'est pour ça que vous disiez, vous priez le Père pour qu'il le fasse. Parce que vous savez que vous n'étiez pas capable de le faire. Le Père, que ton règne vienne. C'est pas, fais que ton règne vienne. Fais que moi, François, je fasse de quoi pour que ton règne vienne. Mais toi, Père, amène ton règne. Fais que ta volonté se fasse. On demande à lui de le faire parce qu'on est très conscient qu'on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que l'Apocalypse nous montre à la fin que c'est Jésus qui revient et c'est lui qui va amener finalement la paix. Parce que les hommes savent faire la guerre, mais ont bien la misère à faire la paix. Je vous l'ai déjà dit, je me souviens il y a plusieurs années, le premier ministre du Canada, qui se promenait à travers le monde entier, le désarmement des bombes nucléaires. Il voulait que tous les pays, il voulait encourager tous les pays à vivre en paix les uns avec les autres. Puis pendant cette période-là de sa vie, où ce qui aidait les gens à vouloir vivre en paix, lui, il se divorce de sa femme. Je me suis dit, comment peux-tu amener la paix dans le monde? Il n'est pas capable de vivre en paix avec sa femme. Nous, quand on est, je ne dis pas que ce n'était pas bien ce qu'il voulait, ce qu'il désirait, mais c'est ce qui était facile à voir, c'est qu'il n'était pas capable de le faire. Capable. Il ne visait pas la bonne place pour que la paix vienne flex tous ses regards vers le ciel. Et dire, Seigneur, nous, on n'est pas capable. Depuis qu'on a péché contre toi, c'est la guerre. Adam et Ève, ensuite deux petits frères, Caïn et Abel, et ça a fini comment? Un meurtre. Les deux premiers, ils ont péché. L'homme n'est pas capable. Là, il ne pouvait certainement pas mettre la télévision, la faute sur la télévision, qui enseigne la violence aux enfants. Hein? Il ne pouvait certainement pas mettre la faute sur les vidéos qui amènent les enfants à se tuer. Il n'y en avait pas dans ce temps-là. Moi, je dis ça aux parents. Ce n'est pas les vidéos, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas les parents. L'enfant, il naît comme ça. Mais il va prendre des instruments pour exprimer sa violence qu'il y a en lui. Parce qu'elle est déjà là. Parce qu'il vit au monde. Pécheur. Mais non, pécheur. Prends un pécheur, il va aller dans le ciel. Il va faire encore des conneries, des péchés, de la violence, il va faire encore des choses. Parce qu'il n'est pas capable de faire autre chose que ça. Même si c'est dans le ciel. Ce n'est pas son environnement qui l'influence. La nature qui influence son environnement. Il faut se tromper, là. Il faut se tromper. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin dans l'Apocalypse 20. Nous allons voir comment que Jésus va s'y prendre pour emmener la paix dans le monde. Et vous savez, quand la Bible nous dit quelque part, quand les hommes vont crier paix et sécurité, enfin on a la paix dans le monde. C'est à ce moment-là que Jésus va venir. Il va leur montrer que la paix n'existe pas. Les êtres humains ne peuvent pas. Et quand ils vont crier ça, si vous étudiez la Bible, le Nouveau Testament, tous les livres sont des livres de révélation qui parlent de la fin des temps, les hommes vont crier paix et sécurité, et ils vont se virer de bord les uns contre les autres, et ils vont s'entretuer. C'est pas long. Parce qu'ils ne peuvent pas. Un jour, les anges ont dit, ils ont descendu du ciel, ils ont commencé à chanter à la naissance de Jésus. Quoi? Hosanna, fais aux hommes de bonne volonté. Donc, les anges viennent dire, Dieu va vous donner maintenant la paix. Dieu va vous donner la paix. Ce n'est pas votre premier ministre, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas les gens. C'est moi qui vais vous donner la paix. Paix avec lui, premièrement, et ensuite ça, la paix entre nous. C'est lui qui va le faire de cette façon-là. On lit ensemble dans l'Apocalypse. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Alors ça, il donne assez de noms, hein? Dragon, serpent ancien, le diable, Satan, et donc il dit, on ne veut pas qu'on le mente. Il veut qu'on découvre c'est qui ce personnage-là. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui étaient qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On va arrêter là pour le moment. La première chose que Dieu va faire pour emmener la paix dans le monde, il va empêcher Satan d'y avoir accès. Je vous ai dit, vous posez la question, vous posez la question à Dieu, pourquoi tu as laissé rentrer le Satan dans le paradis? Pour qu'il vienne tenter Adam et Ève? Moi, j'ai posé ma question. Je n'étais pas chrétien, mais c'est là que je l'ai posé. Pourquoi est-ce que tu as laissé entrer Satan dans le paradis pour venir tenter Adam? Savez-vous quelle réponse il m'a donnée? Oh Dieu. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était là. Puis qu'il a tenté. Il est tombé. Ici donc, si Dieu veut emmener la paix dans le monde, il doit faire une chose en premier. C'est d'enlever celui qu'on appelle le dragon, la bête, le serpent ancien. Serpent, paradis, hein? Serpent ancien, le diable, Satan. Il faut qu'il enlève celui-là. Parce que lui, il passe sa vie. Il passe son éternité. 24 heures par jour, 7 par semaine, il y a juste un but, c'est d'enlever la paix dans le monde. Parce qu'il y a juste une cause que la paix n'est pas là, c'est le péché. Il y a juste une raison à la guerre, à tout ça. C'est le péché, il n'y a pas d'autre raison. Et donc, il dit, il faut que j'enlève ça. Et verset 1 et 2 nous dit quoi? Il dit qu'il y a un ange qui vient et il prend Satan par la main. Puis il dit, viens-t'en mon gars, tu s'en vas en prison. Et il l'envoie dans une place qu'on appelle l'abîme. Ici, il faut bien faire attention. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que les anges n'ont pas de corps. Donc, il n'y a pas de main, il n'y a pas de chaîne. Juste des images. Ne prenez pas ça comme une réalité, des images. Il n'y a pas de corps, Satan. C'est un esprit. Les anges sont des esprits. Donc, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Quand la Bible nous les présente avec des ailes, puis des beaux grands cheveux blancs, les yeux bleus, c'est juste des images. Mais il ne faut pas croire que La Bible dit que les anges ont comme des ailes, puis ils se déplacent vite comme les oiseaux, mais c'est une image qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce qui se passe. L'abîme, c'est quoi ça, l'abîme? C'est où, c'est l'abîme, moi? C'est-tu l'enfer? Non. C'est pas l'enfer. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, j'ai jeté Satan dans l'enfer. Mais il n'est pas dans l'enfer. L'abîme, c'est une autre place. Je ne sais pas où c'est. La Bible en parle ailleurs, dans d'autres livres. Et vous vous souvenez que Jésus, à un moment donné, chasse les démons d'une personne. Qu'est-ce que les démons demandent? Ne nous envoie pas dans l'abîme. Une chose qu'on est sûr, l'abîme, c'est une place qui est une forme de prison pour les anges. Ils ne peuvent, les démons, les anges méchants, ils ne peuvent pas sortir de là. Parce que Jésus veut les envoyer là. Il dit, non, envoie-nous pas là. Je t'en prie, envoie-nous pas là. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir de là. Jude nous dit dans son livre, il dit que les anges qui se sont éloignés de leur nature, qui ont rejeté leur ce que Dieu voulait qu'ils fassent, ils ont été enchaînés dans l'abîme. Vous vous souvenez d'Apocalypse 9, où est-ce qu'un ange vient avec une clé, il rouvre l'abîme, il sort de là, quoi? Des sauterelles, que moi j'ai appelées des démons. Parce que là, ce pas des sauterelles que l'on sait très bien, ce pas des sauterelles. C'est des démons qui sortent de là. Ils viennent attaquer la terre, maltraiter la terre et tourmenter la terre. Dans l'abîme, c'est un endroit où est-ce que Dieu a mis les anges mauvais qui se sont rebellés, une partie d'eux autres, et qui sont là comme enfermés. Mais Satan n'était pas là. Ce matin, quand ça va arriver, il va le mettre là avec les autres. Il ne peut plus se promener, comme dans Job. Hein? Il dit, d'où viens-tu, Satan? J'étais fait un petit tour sur la terre. Je venais me promener sur la terre. Je pouvais se déplacer où ce qu'il voulait. Mais à ce moment-là, il ne pourrait plus se déplacer. Il va l'attacher pendant 1000 ans. Il va barrer la porte de la prison. Quelle sorte de prison est-ce que c'est? Et je ne sais pas où est-ce que des esprits ne peuvent pas sortir. Pas comme on connaît aujourd'hui. Mais c'est la première chose qu'il faut faire pour enlever la paix, enlever la guerre sur la terre, ou emmener la paix. Vous ne pourrez jamais emmener le monde en paix tant que Satan va fonctionner. Dieu va l'enlever. Il dit, afin qu'il ne, quoi? Il ne fasse plus quoi? Séduire. Le mot séduire veut dire quoi? Quand vous séduisez quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est trompé. La séduction, c'est trompé. Vous avez vu le film, La Grande Séduction? C'est quoi? Ils ont trompé le pauvre petit médecin? La séduction, c'est de tromper. C'est de faire paraître quelque chose qui n'est pas la réalité. On séduit. Dieu ne séduit pas. Dieu se présente tel qu'il est, puis on l'adore. Il se présente tel qu'il est espacé. Il n'y a pas besoin de séduire. Séduire, c'est tromper. Il dit, il veut empêcher Satan de séduire les nations pendant une période de 1000 ans. C'est pas tous les chrétiens. Vous allez rencontrer des frères et des sœurs que cette période de 1000 ans-là, c'est pas tout le monde qui la comprend. Pareil. Pendant qu'on était au congrès, Michel Labib, il en avait, il parlait. Il dit, ouais, mais vous savez, pendant 1000 ans, et là, tout le monde dans la salle, on était à peu près à quoi? 150, 200 pasteurs, enseignants, anciens, tous ces gars-là. Et là, dans la salle, c'est là. Tout le monde fait des affaires. Non, c'est parce que c'est pas tout le monde qui voit ça pareil. Là, tout le monde est en train d'avertir, Michel, attention à ce que tu vas dire. Parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la même chose. Excusez-moi. Il y a des chrétiens qui croient que le 1000 ans, cette période de 1000 ans, on est dedans présentement. Ça, c'est la période de 1000 ans. Présentement, c'est le temps de l'Église. Il y a des chrétiens qui croient que la période 2001, Jésus va venir avant la période 2001 et il va avoir une période 2001 après. Il y a des chrétiens qui disent que Jésus va venir et il va faire des choses, il va se passer 1000 ans et ensuite ça, il va revenir pour chercher l'Église après 1000 ans. Donc c'est pas tout le monde qui est d'accord sur comment interpréter cette période-là. C'est pas tout le monde qui est d'accord à savoir si c'est-tu 1000 ans de 365 jours. pas, pour moi, un sujet de discorde. Je suis bien content. On était tous dans la même salle, le vendredi. Il y avait des prémiles, des longs mille, des fausses mille, il y avait tout le monde qui était là. Mais on était plus capable de s'aimer et de fonctionner. Et l'important est, c'est que Jésus, un jour, va prendre Satan et va l'enfermer. C'est ça qui est important. Tout le monde croyait ça, le vendredi. Et que tout le monde savait que c'est pas nous qui sommes capables de le mettre en boîte. J'ai toujours de contact, j'ai vu une fois. Il dit, François, il dit, moi, il dit, quand j'avais 21 ans, j'ai fait un pacte avec le diable. Je dis, oui, c'est ma façon de ça, il me raconte ça. Il dit, maintenant, ton pacte est fini. Oui, j'ai fait un pacte de 20 ans avec lui. Maintenant, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, il dit, rentre. Et puis, il me fait rentrer dans sa maison. C'était plein de statues et d'icônes de toutes sortes de formes. Et il y avait toutes sortes de petites chandelles qui brûlaient de lampions partout. Il dit, maintenant, je me suis entouré de protection. Est-ce que vous répondez à ça? Certains, ce n'est pas nous qui peut nous mettre en boîte. Il y a encore bien moins d'émotions de plâtre ou de bois, ou d'ivoire, ou de marbre. Certains couchent avec ces affaires-là, c'est dans le coton de tout. Il y a juste une personne qui peut mettre Satan en boîte, c'est Dieu. Quand il dit là, il fuira loin de vous. Donnez-vous, peut-être que vous pouvez être tel. Parce que pour vous qui s'appuie. Il dit juste quoi, croyez en Jésus et il va fuir loin de vous. C'est pas vous qui s'appuie. Faites juste croire ce que Jésus a dit sur les papiers. Il n'y avait pas le pouvoir d'envoyer Satan. Moi, j'ai des frères et sœurs qui croient ça. Ils mettent les mains sur quelqu'un. Satan, sort de là! Ils disent, mais hey, mon ami. Quel pouvoir est-ce que tu penses que tu as pour contrôler Satan? Jésus avait ce pouvoir-là. Jésus l'a donné aux apôtres principalement. Mais de nous croire qu'on a la capacité de faire ça, faisons attention. Parce qu'on n'a pas ce pouvoir. Le mot de c'est ça dans les mains du Seigneur. Donc, il y aura une période. Moi, personnellement, je vous dis, mon opinion personnelle, le 1000 ans, va avoir lieu quand Jésus va revenir et qu'il va ressusciter ses enfants, parce que les enfants de Dieu vont régner avec lui pendant 1000 ans. Moi, je crois que la période de 1000 ans vient après le retour du Seigneur, après qu'il est venu chercher l'Église, il va avoir une période de 1000 ans. Je ne sais pas si c'est 1000 ans littéral, mais je crois qu'une période de temps après, après le retour du Seigneur, avant qu'il vienne faire une nouvelle chute, une nouvelle terre. Donc, il y a un laps, pour moi, il y a un laps de temps, là. En le retour du Seigneur Jésus-Christ et le fait qu'il va faire les nouveaux cieux et nouvelle terre. Quand on va arriver au chapitre 21, la semaine prochaine, dans deux semaines, il va avoir les nouveaux cieux et nouvelle terre. Mais la période de 1000 ans va être comme terminée. Donc, il dit, deuxième chose, il dit, je vais enchaîner Satan. Et, personnellement, Satan ne peut plus nous détruire aujourd'hui, vous savez ça. Satan ne peut plus nous donner la mort à nous, les croyants. Il peut nous tenter, mais il ne peut pas nous faire mourir. Il ne peut pas nous, il nous contrôle pas. Et soyez bien certains que Satan ne contrôle pas les gens. Parce qu'il pouvait les contrôler, il contrôlerait tout. Il n'a plus le pouvoir là-dessus. Satan peut tenter les gens. Il ne peut pas les contrôler malgré tout. Verset 4 à 6, la deuxième chose qu'il va faire, il dit qu'il va régner. Jésus va prendre un temps de règne. On appelle ça le règne de 1000 ans. Jésus va venir régner sur la terre. Avant ça, il va y avoir un homme qui va régner. On l'appelle l'Antéchrist. Il va venir un royaume sur toute la terre qui va régner sur tout le monde. Jésus va l'enlever et il va prendre sa place. Il dit, maintenant, c'est moi qui vais régner sur les nations et sur toute la terre entière. Oh, il y a un paquet de questions que j'ai, que je poserais, mais ça m'a dit quelqu'un. Mais ce n'est pas marqué. Je n'ai pas les réponses à la Bible. J'aurais à faire, comment ça va se faire, comment ça va se passer. Il va avoir encore des inconvertis, comment ça va se passer dans ce temps. Comment ça qu'il va avoir des inconvertis là, mais il va avoir de la paix quand même, parce que Jésus va régner. Mais il nous dit que pendant ce temps de règne, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y en a des gens qui vont régner avec lui. Quels sont ceux qui vont régner avec lui pendant les 1000 ans? C'est ceux qui, et j'ai vu des trônes, ceux qui s'assirent, furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Ça veut dire quoi? Ils étaient morts s'ils reviennent à la vie. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là sont morts ou sont passés par une forme de résurrection pour revenir à la vie et régner avec Jésus-Christ pendant ce 1000 ans-là. Tous ceux qui étaient sur la terre à ce moment-là et qui n'ont pas pris la marque de la bête vont revenir à la vie. Ça veut dire qu'ils sont tous passés par la mort, ils sont une forme de mort. Ou qui sont morts par la persécution pendant ce temps-là. Parce que beaucoup qui vont mourir par la persécution, ils ont été décapités, bien, ils vont revenir à la vie. Et Jésus parle d'une église ici, une église qui était vivante pendant qu'on a reçu l'Apocalypse, une église qui était beaucoup persécutée, qui mourait, qui était mangée par les lions. Il dit, vous allez revenir à la vie, et vous allez régner avec moi pendant cette période de 1000 ans. D'abord, à vouloir encourager l'Église. Elle dit, même si vous mourrez, vous allez revenir à la vie. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui meurent pour la foi? Et Paul leur dit tout de suite, au son de la dernière trompette, ils vont tous sortir de la terre, ils vont ressusciter, et ceux qui sont là vont être transformés, une nouvelle forme de résurrection, vont être transformés, et vont régner avec Christ pour l'éternité. Donc, ceux qui vont régner, c'est ceux qui n'ont pas adhéré au système de ce monde, mais qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire ici qu'il va y avoir juste ceux qui ont été décapités. Mais il parle d'une église qui est sous une forte persécution. Donc, tous ceux qui vont voir tourner leur regard vers Dieu, vers Jésus-Christ, et qui n'ont pas pris la marque, mais qui ont décidé d'adorer Dieu et non pas la bête, vont régner avec lui pendant ce temps-là. J'ai essayé de passer cette semaine. À quoi ça ressemblerait un pays dirigé par Jésus? Par les croyants ressuscités. Parce que les croyants ressuscités, ça va être une bonne chose parce qu'ils font plus pécher les autres. Donc, t'as Jésus, mettons, avec 1 million de premiers ministres, qui sont tous des chrétiens sauvés, régénérés, transformés, ressuscités, et qui font plus pécher, et qui règnent sur le monde. En tout cas, il n'y aura pas de commission de Gomery à ce moment-là. Non, ça n'existera plus! Plus de pas de vin! Ils vont régner, et ça va être un règne de paix. De paix sur le monde. Jésus encourage les frères et sœurs qui sont là, qui sont dans des moments très difficiles. Un jour, si vous êtes mort, vous allez ressusciter. Si vous n'êtes pas mort, vous allez être transformé et vous allez vivre avec moi. Ma compréhension, jusqu'à date, on est rendu au chapitre 20. C'est le dernier moment, là. Puis on va dire une bouchée nouvelle terre. L'enlèvement de l'Église n'a pas eu lieu à ce moment encore. Il n'a pas encore eu lieu. Je n'ai pas vu, en tout cas, dans l'Apocalypse. Donc, si on prend la prière de la Bible dans son ensemble, la résurrection des croyants a lieu au moment de l'enlèvement des croyants. La personne dit, ils vont ressusciter, ils vont être transformés, ils vont monter, le rejoindre dans les cieux, sur les nuages, et ils vont régner avec lui. Donc, la résurrection, pour moi, se fait au même moment que l'enlèvement. Dans chapitre 20, ici. On va ressusciter et on va entreprendre de régner avec lui pendant 1000 ans. Donc, pour faire ça, il va venir nous chercher dans le monde. Donc, première chose, il va enlever Satan de là. Deuxième chose, lui, il va venir. Il va ressusciter ses enfants. Il va les ramener à la vie. Et il va régner avec eux pendant une période de 1000 ans. Pour amener la paix sur la terre. Pour amener une espèce de paradis terrestre, si je pourrais dire ainsi. Attention, il semble qu'il y a encore des pécheurs dessus. On va le voir. Il y a encore des pécheurs sur la terre à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, si c'est ça, quand Satan va revenir, avec qui il va faire là, pour les amener à se rebeller comme on est lui ensemble? Versets 7, 8 et 9. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7, 8 et 9? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché. Oh non, pas encore une fois. Hein? On dit comment c'est ça? Il sortira pour séduire les nations encore une fois. Ça veut dire qu'il y a encore des gens sur la terre qui sont séduisables, qui peuvent gagner à lui. Donc, pendant ce temps de 1000 ans de paix, ça veut dire qu'il y a une absence de péché. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inconvertis parce que Satan va venir les séduire encore une fois. Je vais dire sortira pour subjuguer les nations et va rassembler toutes ces nations de Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, encore une fois, c'est le mal dans tout son ensemble, Satan, les mauvais anges, les démons, les parce qu'il dit, ils montèrent à la surface de la terre. Je me demande si ce n'est pas tous les gens qui sont en bas, quelque part, hein, dans ces jours des morts, qui montent, qui sortent de tout ça, la dîme se vide, tout se vide, ils partent en guerre contre Dieu. Une dernière fois. Et Dieu dit qu'il les détruit tous par le feu. Ça veut dire qu'il n'existe plus. Il n'existe plus sous forme humaine, comme on le connaît aujourd'hui. Le diable qui les séduisait à ce moment-là fut jeté dans le feu, dans l'étang de feu de soufre, où sont la bête, le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Attention là, ce n'est pas tous les autres qui sont jetés dans le feu là. C'est qui est jeté dans le feu ici, là, dans l'étang de feu de soufre? Satan seul. Les autres ne sont pas encore en plein. Il y en a déjà deux qui ont précédé Satan. C'est qui les deux autres? Les deux autres bêtes. Hein? La bête et le faux prophète sont déjà là, on l'a vu dans le chapitre 19, Jésus les avait envoyés vivants dans l'enfer. Là, cette fois-ci, il envoie qui les rejoint? Satan les rejoint. Mais les autres sont pas, ils n'envoient pas les autres encore. Il y a d'autres choses avant. Il y a le grand trône blanc qui doit passer. Ils doivent être jugés. Ils doivent être jugés avant. Satan n'a pas besoin d'être jugé, il est déjà condamné. Ici, il va envoyer Satan. Et remarquez bien, qu'est-ce qui arrive avec les trois? Ils sont quoi? Tourmenté. Je suis en d'autres bibles, d'autres traductions que tourmenté. Subiront des tourments, comment pareil. Satan, pendant l'éternité, va être tourmenté. Satan ne va pas danser dans l'enfer. Satan ne va pas taper des mains dans l'enfer. On nous montre tout le temps ses photos de. Lui est heureux dans l'enfer. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Il va être tourmenté comme les autres. Il va être malheureux. Lui-ci, il va graisser des dents. Il ne sera pas là, « Ah, ah, j'ai gagné, ah, ah. » Non, non, non, non, non. Faut tout ça dans la tête. Il va être tourmenté comme tout le monde. Donc, pour que la paix vienne, un, Dieu enlève Satan de là. Deux, il vient régner. Trois, il met fin à tout ce qu'on connaît de diable, de ci, de ci, de ça, il va mettre fin à tout ça. Et on va lire ensemble, on a encore quelques minutes, on va finir. On va finir à partir du chapitre 11, verset 11, si vous voulez bien. On va lire jusqu'au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, le mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, pour emmener la paix, Dieu va enlever tous les êtres humains de tous les temps, depuis que la terre existe, il va les faire sortir de la mer, du séjour des morts, de toutes les places qui ont été enterrées, peu importe comment ils ont été enterrés, que ce soit brûlé, que ce soit mangé par les bébites, que ce soit mangé par les poissons, peu importe comment, ils vont sortir de là, ils vont se présenter devant Dieu. Dieu va ouvrir deux livres. Premier livre, le livre de la vie. Ton nom est-il marqué là? Deuxième livre, le livre de leur œuvre. Ils vont être jugés selon leurs œuvres. Et les œuvres vont démontrer quoi? Ils ne sont pas dans le premier livre. Tu n'es pas dans le premier livre, tes œuvres prouvent que tu n'es pas dans le premier livre. Tu m'as condamné, tu m'as rejeté, tu m'as blasphémé, tu ne m'as pas adoré, tu as adoré la bête. En tout cas, les œuvres vont démontrer qu'ils ne sont pas dans le premier livre. C'est pas que ça enlève leur nom dans le premier livre. C'est juste démontrer que ces deux livres-là vont ensemble. Si ton nom n'est pas là, ta vie prouve que ton nom n'est pas là. Et on le condamne. Tout ce qui n'était pas de Dieu, tout ce qui n'était pas enfant de Dieu, tout ce qui n'était pas le peuple de Dieu, vont être envoyés où? Dans le feu, ou dans le temps de feu, qu'on appelle l'enfer, communément. Et ils vont être aussi, ils vont être là aussi pour être tourmentés pendant toute l'éternité. C'est pas mal dramatique, hein? Si on pouvait voir ça de nos yeux un matin, on ne pense pas qu'on soit très brûlé. Tous ces milliards de personnes qui vont être condamnées, qui vont être jetées dans l'enfer, pour l'éternité. Parce que c'était tout ça qui a enlevé la paix. Tous ces pécheurs qui ont enlevé la paix. Ce qui donne le paradis, avant qu'Adam et Ève pêchent, pensez-vous que c'était la paix? Eh oui. Eh oui. J'ai déjà dit une fois, une femme m'avait dit, pourquoi Dieu n'enlève pas tout ce mal de sur la terre et on pourrait vivre en paix? J'avais posé la question, voulez-vous qu'il vous enlève la première? Parce que vous êtes celle et moi aussi qui enlève la paix. C'est nous qui enlève la paix. Nous, les pécheurs. Va-t'en dans le bois que personne. C'est la paix, là. C'est la paix, là. Il n'y a pas d'être humain. Mais deux êtres humains, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Vous savez, entre moi et vous, si on n'est pas, si on n'est pas là, dans ce groupe-là, c'est la grâce du Seigneur. Si nos livres, nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Ils ont été écrits quand, dans ce livre-là? Quand est-ce que nos noms ont été écrits là? Avant la fondation du monde. L'apôtre Paul dit dans Romains, avant que vous ayez fait quoi que ce soit, aucune de votre nom n'est écrit là. Pourquoi votre nom n'a pas été écrit dans l'autre? Je ne sais pas. Mais on sait que si on est là, c'est parce que tu l'es. Il dit, j'ai mis ton nom là. Et la Bible nous dit qu'on va juger selon nos œuvres, nos œuvres. Nos œuvres vont démontrer que notre nom est écrit là. C'est pas nos œuvres qui nous ont fait qu'on était marqués dedans. Et à cause qu'on était marqués dedans, nos œuvres démontrent qu'on était marqués dans ce livre. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? On va lire ça en terminant. Il y a un mot que j'aime bien. Heureux. Et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur nous. Il dit, soyez heureux. Il dit ça à ses enfants qui étaient sur la terre à ce moment-là, qui vivaient la persécution. Il dit, soyez heureux. Vous n'aurez pas peur de la deuxième mort. Vous n'allez pas avoir peur de cet enfer-là. Vous n'allez pas être condamné par moi. Vous n'allez pas souffrir avec toute cette gang-là. Vous allez être mes enfants. Et je vous réserve un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le mot heureux qu'il y a là, c'est le mot dans le grec makarios. Ça veut dire quoi? C'est le bonheur des dieux. C'est un bonheur qui ne dépend pas des choses de la terre. Aucunement. Mais c'est un bonheur qui vient de Dieu. Si on est heureux, ça devrait devenir de Dieu. C'est le meilleur Dieu. Que ça puisse nous réjouir et nous garder dans la foi. Peu importe ce qui va arriver cette semaine. Peu importe les tentations qui vont venir. Peu importe les afflictions qui pourraient venir. Gardons la foi. Prions. Notre Père du ciel, c'est merveilleux de voir à quel point tu es puissant, à quel point tes anges, tes serviteurs, vont accomplir ta volonté. Il est merveilleux ce matin de voir que tu vas prendre possession de ton règne. Nous sommes heureux de voir que tu es plus fort que Satan, plus fort que les démons, plus fort que toutes les nations du monde. C'est toi qui contrôles ça. Ô Seigneur, tu es bien conscient que ton Église se dispute des fois sur comment les choses vont se faire, dans quel ordre. me donner de me réjouir. De regarder ce moment de l'histoire humanité qui est merveilleux, où est-ce que notre Dieu enferme pour toujours le mal, afin qu'il n'ait plus aucune capacité de briser ta paix, de briser ton harmonie, que tu sois éternel. Nous te remercions, Seigneur, que nous allons avoir part avec ça, part à la première résurrection, nous allons avoir part à ce règne-là, nous allons régner avec toi. Et nous savons que nous avons rien mérité, et que c'est à cause de Jésus. Nous te glorifions, nous t'adorons encore. Béni sois-tu, parce qu'au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Levons-nous, on va terminer avec un chant.